Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. En France, on a plein de dictons pas toujours faciles à comprendre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la collection de livres Happy Meal. Il vous les explique simplement à l'aide d'une chouette histoire écrite par Éric-Emmanuel Schmitt et illustrée par Caroline Piochon. Par exemple, grâce aux aventures des oies Cancanette et Dandinette, qui partent de chez leurs parents pour chercher la maison de leurs rêves, vous comprendrez ce que veut dire le dicton « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Pour découvrir ce livre et tous les autres, rendez-vous dans votre restaurant McDonald's. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment au restaurant. Les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter l'ouvreur de porte. Ah, mais laisse-moi ! Lui, c'est Rufus, le vieux bulldog des voisins d'Arthur. Chaque fois qu'il passe devant son jardin, Rufus aboie comme un fou. D'habitude, Arthur l'ignore. Sauf ce matin. Notre héros décide de lui répondre avec sa plus belle grimace. Mais quelle idée ! Il n'a fait que l'énerver mille fois plus ! Si bien que ce vieux rôti sur pattes a trouvé la force de sauter par-dessus la clôture pour le prendre en chasse. Foncer tout droit est inutile. Arthur n'est pas un champion de sprint, alors il faut ruser. Il tourne au dernier moment dans la rue à droite. Emporté par son élan, Rufus dérape et s'écrase dans une poubelle. Fier de lui, Arthur bifurque aussitôt dans une impasse. Derrière lui, un aboiement furieux éclate. Rufus est déjà là, les babines frémissantes. Il avance lentement vers sa proie. Propulsé par la peur, Arthur fonce vers l'une des maisons. Rufus s'élance à sa poursuite. Arthur saute par-dessus la clôture, se jette sur la porte. Elle est fermée. Mais au moment où Rufus bondit sur lui, elle s'ouvre. Arthur s'empresse de la refermer, trébuche et percute quelqu'un de plein fouet. Arthur dort. En voilà des manières de rentrer en classe. « Madame Pic ?»« Évidemment, ce n'était pas la peine de vous jeter sur la porte que j'étais en train de fermer. Pour la peine, vous me copierez 100 fois. Je ne rentre pas en classe comme une furie. »« Bien, madame. »« Bon, ne perdons pas plus de temps. Place à la dictée. » À la récré, il reste en classe pour copier ses lignes. Philibert, lui, c'est pour lire. Sauf que dès que Madame Pic sort pour aller aux toilettes, le meilleur ami d'Arthur lui demande ce qui s'est passé. Forcé de faire une pause dans sa punition, il lui explique tout. « Et c'est comme ça que je lui ai échappé. »« Quoi ? Mais c'est incroyable. Moi, ça me fait peur. C'est normal, tu viens juste d'apprendre que t'as un super pouvoir. »« Ça existe pas. »« Mais alors comment t'expliques que tu ouvres une porte pour échapper à un monstre et d'un coup, zoup, tu te retrouves en classe ?»« Je sais pas. »« Oh, peut-être que c'est un pouvoir de famille. »« Tu dis n'importe quoi. » Et pourquoi ça? Tu es l'un des descendants de la plus grande famille de portiers du monde. Oui, on ouvre des portes, on les ferme, on en fabrique. Mais on n'a pas de pouvoir. Peut-être que c'est une histoire qu'on t'a pas encore racontée. Ou mieux, ce serait un secret. Même s'il n'y croit pas, cette drôle d'idée lui trotte dans la tête. Il a beau faire de son mieux pour la chasser, elle réapparaît toujours au détour d'une pensée. Pour la faire disparaître, il n'y a plus qu'une solution. On n'a plus qu'à chercher dans la bibliothèque familiale. Heureusement pour Arthur et Philibert, la bibliothèque familiale dispose d'un registre. Une section entière est dédiée aux mythes et légendes où il est question de portes. Ça va nous prendre des mois pour tout lire. Et pourquoi deux oiseaux comme vous s'intéressent à des histoires de portes? C'est pour un exposé. Oui, Madame Pic veut qu'on parle d'un truc que l'on partage dans notre famille. Et pour nous, les portes, ça semble logique, non? Vrai? Sauf que vous me mentez. Même pas vrai. Oh, ne me prenez pas pour un jambon, les garçons. Mais tu vas jamais me croire. J'aimerais bien savoir pourquoi. Arthur lui explique tout. Nom d'une serrure. Vous le croyez? Évidemment, les portes, c'est un sujet sérieux et leurs mystères infinis. Et tu as déjà entendu parler d'une histoire comme la mienne? Jamais. Mais ça fera une sacrée histoire à inscrire dans nos archives. Alors on fait quoi? On devrait tester ton pouvoir. Mais je sais pas comment ça fonctionne. Justement, Philibert a raison. Il n'y a rien de mieux que l'entraînement. Et notre maison possède l'endroit idéal pour tester ton pouvoir d'ouvreur de porte. Pépé amène Arthur et Philibert jusqu'au troisième niveau du sous-sol. Il est immensément plus vaste que la maison et abrite une variété infinie de portes. Oh, comment c'est possible ? Les portes, on a ça dans le sang. Rien de plus normal que de les collectionner. Tu veux que j'essaye d'ouvrir les portes une à une ? Tout juste. Arthur se place devant une porte, souffle un grand coup et l'ouvre. Mais derrière cette porte, rien. Il recommence avec une autre. Toujours rien. Peut-être que c'est un coup de chance. Dans les films ou les BD, les super-pouvoirs s'activent quand le héros vit des émotions fortes. Sauf qu'on n'est pas dans une BD et que j'ai rien d'un héros. Essaye donc encore quelques fois pour voir. Pour ne pas le décevoir, Arthur recommence. Une fois, deux fois, trois fois. Philibert et Pépé lui lancent des regards encourageants. Nouvel échec. Sa gorge se noue. La porte suivante ne donne rien. Arthur la claque violemment et se dirige vers la suivante. Jamais il n'y arrivera. La colère l'envahit. Les super-pouvoirs n'existent pas. La porte s'ouvre avec fracas. Je crois que tu as réussi. Leur silhouette se reflète dans l'encadrement de la porte. Épaté, Philibert s'approche et pose la main sur la surface qui ondoie. On dirait de l'eau. Son bras est aspiré. Arthur attrape de justesse l'autre bras et essaye de le tirer. Pépé se précipite pour l'aider, mais s'en mêle les pieds, bouscule son petit-fils et swoosh ! Voilà notre trio expédié de l'autre côté. Une chance qu'il y ait eu un matelas pour amortir notre chute. C'est pas un matelas, c'est moi. Vous pourriez vous relever ? Confus, Pépé et Arthur s'exécutent et l'aident à se relever. T'as une idée d'où on est ? Aucune. On aurait pu atterrir dans un endroit plus sympathique. Il se trouve dans une pièce si haute qu'il ne distingue pas le plafond. De chaque côté, des murs en pierre, sur lesquels brûlent d'immenses torches. Derrière eux, une lourde porte, fermée, sans poignée ni serrure. Devant eux, un vieux pont de bois suspendu se dresse au-dessus d'un gouffre sans fond. Au bout de ce pont, une porte ouverte. Je crois qu'il n'y a qu'une seule issue. Et elle ne me plaît pas trop. Bon, en avant pour l'aventure. Le trio s'engage sur le pont prudemment. Seuls les grincements des planches de bois et le crépitement des torches déchirent le silence. À mi-chemin, Pépé pousse un soupir de soulagement. Il n'est pas si terrible, ce pont. Un raclement sourd provenant des murs lui répond. Pépé a l'air d'un poussin perdu. Arthur et Philibert le tirent à terre, juste avant qu'une énorme lame tourbillonnante leur passe au-dessus de la tête. Un instant plus tard, elle repasse et entame d'interminables allers-retours entre les murs. Il faut continuer d'avancer, à plat ventre. Je ne suis pas aussi fringant que vous. On prendra le temps qu'il faut. Vous n'allez faire qu'une bouchée de ce pont. À moins que ce soit lui qui me croque. Impossible, il faut que tu inscrives cette histoire dans nos archives. Le regard vitreux de Pépé s'éclaircit, prêt à relever le défi. La progression reprend lentement, à plat ventre et en silence. Alors qu'ils arrivent au bout de l'horrible pont, un autre bruit retentit loin au-dessus d'eux. Ils se lèvent comme un seul homme et d'un bond se jettent sur la terre ferme, juste avant qu'une énorme lame en demi-lune ne s'abatte sur la passerelle pour l'entraîner dans une chute sans fin. Je ne suis pas sûr de vouloir passer cette porte maintenant. En même temps, on n'a pas trop le choix. Si ce n'est pas mon corps, c'est mon cœur qui va finir par lâcher. Ne t'en fais pas, on va être super prudents. Ils s'avancent et passent la porte qui se referme brusquement derrière eux. Formidable. Et maintenant ? Ils sont sur un palier, faiblement éclairé par une vieille torche à moitié couverte de toile d'araignée. De part et d'autre, un escalier monumental en pierre, visiblement construit pour un ogre ou un géant. Il faut trouver une porte fermée pour que j'essaie de nous faire rentrer. On monte ou on descend ? Tant qu'on ne croise pas le propriétaire, tout me va. On monte. On finira bien par arriver à la surface. Arthur prend la torche et commence l'ascension. Et ce n'est pas peu dire. Les marches sont XXL, si bien qu'après 10 minutes d'effort, tout le monde transpire à grosses gouttes. Essoufflé, Pépé s'assoit sur une pierre qui s'enfonce sous son poids. Oh, oh, misère! Tout se met à trembler. Quelque part, au-dessus d'eux, quelque chose dévale l'escalier dans un vacarme assourdissant. Le danger redonne une seconde jeunesse à Pépé, qui s'empresse de dévaler les marches 4 à 4, imitées par les garçons. L'escalier aboutit sur un immense couloir, au fond duquel se trouve une porte géante. « On pourra jamais ouvrir celle-là! Regarde en bas, il y a une porte pile de notre taille !» Le trio se rue dessus et découvre avec horreur qu'elle est fermée. Un terrible fracas résonne derrière eux. « Dépêche-toi, Arthur! Un énorme rocher ne va pas tarder à nous aplatir !»« Je sais pas comment faire !»« Tu es un dors, mon garçon! Aucune porte ne nous résiste !» Arthur saisit la poignée, et cette fois la porte s'ouvre. Arthur empoigne Philibert et Pépé, et souch ! Voilà notre trio expédié de l'autre côté. Une histoire peut finir de bien des façons. Alors voici 3 fins différentes pour ouvrir les portes de votre imaginaire. Voici une première fin possible. Ils atterrissent cul par-dessus tête dans la bibliothèque de la famille Dor. Il faudra vraiment travailler les arrivées, hein. Oh, mon corps n'est que douleur. Tu n'as rien de cassé? Non, j'ai redécouvert des muscles endormis depuis fort longtemps. Tu te rends compte, Arthur? Tu as réussi à nous ramener chez toi? Ouais, mais si à chaque fois on doit risquer nos vies... Je suis sûr que non. Peut-être que cette aventure a débloqué un truc. Et si tu réessayais pour voir? Vous êtes sûr? Pépé et Philibert l'encouragent d'un hochement de tête. Arthur s'approche de la porte de la bibliothèque, souffle un grand coup, l'ouvre d'un seul coup. La même surface miroitante remplit l'encadrement. Je le savais! Elle doit nous amener où? Dans ma chambre? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais rester ici. Non sans appréhension, Philibert et Arthur plongent dans la porte pour ressortir directement dans la chambre d'Arthur. Il pouvait désormais se déplacer en un clin d'œil d'une porte qu'il connaissait à une autre, sans aucun danger. Plutôt pratique, non? Voici une seconde fin possible. Ils arrivent titubants dans la chambre d'Arthur. Oh, ces aventures-là, ce n'est vraiment plus de mon âge. Plus jamais je n'utiliserai ce pouvoir. Tu as réussi à nous ramener chez toi, c'est l'essentiel. Et on a failli mourir 3 fois. En même temps, on ne savait pas où on allait. La prochaine fois, tu penseras à un endroit plus accueillant. Et si ça marche pas? Si on se retrouve dans un truc encore pire? On trouvera une solution, jusqu'à ce que tu maîtrises ton pouvoir. Non, hors de question qu'on risque encore nos vies. L'émotion n'est pas de bon conseil, mon garçon. Peut-être que tu as raison, mais ma décision est prise. Et depuis ce jour, le pouvoir d'Arthur s'est éteint. Ce qui ne l'empêchera pas d'être l'un des meilleurs portiers de sa génération. Voici une 3e fin possible. Retour à la case départ dans les sous-sols de la famille Dor. On est en un seul morceau, c'est un miracle! C'est dément! On a failli mourir 3 fois! C'est sans compter toutes celles où mon cœur a failli lâcher. Désolé. Ne le sois pas. C'est incroyable ce qui t'arrive. Et comment? Une petite rouquine au sourire malicieux, vêtue d'une tunique bariolée, apparaît devant eux, un petit boîtier à la main. Ne faites pas ces têtes de merlan frit. Je m'appelle Hera et je suis une dénicheuse de talents. Normalement, les gens poussent des waouh ou des oh, ou posent des questions, quoi. Bon, alors passons aux explications. Tu es ce que l'on appelle par chez nous un talent, quelqu'un qui possède un pouvoir unique. Et moi, j'ai le don de sentir un talent s'activer. Comment t'appelles-tu? Arthur. Eh bien Arthur, je te propose de rejoindre l'Académie des Talents, un endroit où tu pourras explorer le potentiel de tes pouvoirs, sans risquer de faire du mal au tien. Mais c'est géant ça! C'est comme dans les comics, tu vas devenir un super-héros. Arthur n'ira nulle part. Ah, je pense que c'est à lui de décider. Préfères-tu vivre avec un pouvoir que tu ne maîtrises pas ou te faire aider et utiliser ton talent à bon escient?